le 28 septembre de Death Valley à Los Angeles. Hey June, Bonil, Bonil. Nice to meet you. How are you? Hey June, Luke. Nice to meet you. What is your name? Hey June. Hey June. Hey June. Hey June. Hey June. Yeah. Hey June. Comme ça? Voilà. Yeah. And the shiitake is really not soft. It's soft. It's soft. Yeah. It's c'est des champignons. Okay. An appointment was fixed with the video artist Alessandro Mercuri and his Korean girlfriend Hai Jun. Of course, they took us to a Korean restaurant. Why am I here? I think before I came in this country, I thought, you know, like there is some American dream like I can make true. In America, it's good thing about in America is you can meet a lot of people from everywhere, like Mexicans, and Koreans, Japanese, especially LA. Femme de l'impeachment, c'est que c'est une fois l'impeachment a lieu, ça ne peut plus faire de télé. Donc l'impeachment n'aura pas lieu. Ils sont obligés de faire continuer le show. Parce que si véritablement il démissionne, après c'est fini, il faut qu'il passe à autre chose. Alors que le but là de la chose, c'est que ça n'en finit pas. CNN a bâti sa réputation sur le Koweït. Oui. Ce qui est fascinant, c'est que c'est le nouvel âge véritablement d'Internet. L'Internet comme aboutissement un peu de la conscience médiatique. Et c'est là où Internet a vraiment pris son envol. Vraiment au niveau temps réel, ce que le Koweït a été pour la télé, cette affaire Clinton est vraiment pour Internet. Et ce qui est génial, c'est la façon dont les médias font basculer l'audience d'un jour à l'autre pour continuer le show. Et ça, c'est assez étonnant. Et les médias, ce qu'ils arrivent à faire, c'est génial, c'est-à-dire descendre Clinton et le lendemain, le remonter au pinacle et descendre l'attorney general qui a mené l'enquête. Parce qu'il a vraiment un problème avec les Clinton, ça fait 20 ans.